finalement, qu'elle est venue faire pour avorter, parce qu'elle veut, parce que son mari, enfin son copain, parce que la mafia, etc. Et donc, on a essayé de raconter l'histoire de quelqu'un qui fait ce mouvement, je dirais que de l'éthique de Lévinas, c'est-à-dire entendre à un moment donné l'appel d'autrui. Mais qui n'en est pas à la hauteur, qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout, mais qui fait quand même quelque chose. Allez, je l'aime beaucoup, cette femme, je l'aime beaucoup. Et on aime tous nos personnages, qu'ils soient assassins ou pas, évidemment, quand on fait un film, on doit aimer tous ces personnages. C'est l'avantage d'être réalisateur et non pas Dieu. Comme les comédiens, voilà, exactement. Comme tous les comédiens, ils défendent leur personnage, quels que soient les gestes qu'ils commettent et les mots qu'ils disent. Merci beaucoup, Luc Dardenne. Merci à vous. Merci d'être venu nous parler de Lévinas aujourd'hui. Je renvoie à l'entretien que vous accordez aussi à Philosophie Magazine et au livre que vous avez écrit, des notes plus que ça, même des réflexions autour des films que vous avez réalisés avec votre frère, Au dos de nos images, qu'on trouve aux éditions du Seuil. On a commencé cette semaine sur Lévinas avec un bonjour que prononçait Lévinas lui-même. On la terminera avec un adieu. C'est Jacques Derrida qui prononce un adieu à Lévinas avec ces mots. Depuis longtemps, si longtemps, je redoutais d'avoir à dire adieu à Emmanuel Lévinas. Je savais que ma voix tremblerait au moment de le faire, et surtout de le faire à voix haute, ici, devant lui, si près de lui, en prononçant ce mot d'adieu, ce mot « adieu » que d'une certaine façon je tiens de lui, ce mot qu'il m'aura appris à penser ou à prononcer autrement. À méditer ce qu'Emmanuel Lévinas a écrit du mot français « adieu », j'espère trouver une sorte d'encouragement à prendre ici la parole. Je voudrais le faire avec des mots nus, aussi enfantins et désarmés que ma peine. Adios, adios, adios to your afternoon. 'Cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios, adios. I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited, but no one came. You were just too late. That decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. 'Cause the vision is mine. The vision is mine. Adios par Benjamin Clementine sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le regard et la chronique d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors pour votre chronique, vous nous emmenez à la plage aux côtés du philosophe Adorno. Alors c'est un compte Twitter qui s'appelle Composer Doing Normal Shit, des compositeurs faisant des trucs normaux. On y voit 500 sans pyjama, Miles Davis au club de gym ou chez le dentiste, Morricone faisant un ping-pong, Pierre Boulez mélangeant une salade et depuis peu Adorno à la plage. On l'ignore peut-être, mais Adorno a longtemps mené de front une carrière de philosophe et une carrière de compositeur. Il a été l'élève de Berg, le défenseur de Schoenberg, l'auteur de quantité de pièces et d'un début d'opéra sur un thème tiré de Mark Twain. Sa présence ici est donc tout à fait légitime. C'est tout ce que cette photo a de légitime d'ailleurs, car l'image est sinon un peu gênante. Adorno, en général, ce n'est pas quelqu'un qui se repose, c'est au contraire l'archétype de l'intellectuel infatigable. Une anecdote au hasard. Après avoir passé plusieurs mois sur sa thèse, une thèse sur la psychologie de Husserl, je crois, il s'est vu recalé et est reparti écrire une seconde thèse en 3 semaines ou 1 mois. À peine a-t-il le temps de caler de courtes dépressions pour surmenage ici ou là, qui l'oblige à se reposer. Est-ce dans ce cadre que cette photo de lui à la plage a-t-elle été prise? Peut-être. Il n'est pas complètement chauve encore, et je dirais qu'elle date de l'exil américain, qu'il est à Malibu un peu après 1940. Adorno, en exil, la chose perd immédiatement sa drôlerie potentielle. J'ai oublié de dire que ce compte Twitter, sur des compositeurs faisant des trucs normaux, est un compte humoristique, comme le prouve le chef-d'œuvre du film, un double portrait de Leonard Bernstein et de Carlos Kleiber, rassemblé autour d'une boîte du jeu Simon, une sorte de memory musicale électronique. Alors en quoi la photo d'Adorno, si l'on met l'exil entre parenthèses, doit-elle être drôle? Elle doit l'être sans doute, car le philosophe est en maillot de bain, mieux, en maillot de bain, une pièce, un truc improbable, à bretelles, un maillot de bain de femme, en fait. Et Adorno, assis sur une balancelle qu'on imagine volontiers un peu grinçante, adopte aussi quelque chose de féminin dans sa posture. Il a les jambes repliées sous lui et le buste torsadé comme la Vénus de Milo. Il a l'air d'une petite chose adorable et l'image tranche avec l'image infiniment sérieuse du héros de l'école de Francfort, celui que cette ville a justement immortalisé dans un étrange monument hommage entre ready-made et cénotaphe, solution anticipée peut-être à tous nos problèmes contemporains de statut, un simple bureau et une chaise posée dans un cube de verre au centre d'un labyrinthe. L'auteur des Minima Moralia, de cet interprète passionné de la culture, repose incontestablement ici et pas là-bas, à la plage. Que nous dit pourtant cette photo si incongrue? Le philosophe déguisé en baigneur ressemble à une poupée et cela s'accorde avec ce que nous pouvons nous représenter de l'expérience de l'exil. À un moment, Adorno fut cet homme chassé par l'histoire de son cube de verre, de la tour de verre de sa cité natale. Et devant ses jambes repliées et comme manquantes de statuettes grecques, on pense à un autre exilé, au Freud londonien de la faim et au Popéi portatif de son cabinet. Cet Adorno à la plage est un portrait tragique et l'une des ruines les plus évocatrices de l'histoire européenne. Cet homme n'est évidemment pas un vacancier ordinaire, c'est le témoin d'un drame sans précédent. La photographie de ce penseur si mélancolique est un instantané de l'histoire universelle tombée soudain en pleine disgrâce, en pleine dépression. Si l'on forçait un peu l'interprétation, il serait facile de reconnaître les tenues des déportés dans les bandes grises du tissu de la balancelle. L'océan auquel Adorno fait face n'est rien par rapport à cet abîme textile entreaperçu. Adorno devient alors semblable à une statuette qui nous aurait été rendue par la mer, à moitié préservée par l'exil, comme ces statues grecques que leur immersion brutale a paradoxalement sauvées. Mais le charme féminin de la posture doit justement nous alerter. La glorification du féminin, ainsi que l'écrit Adorno à cette époque, dans les Minima Moralia, est toujours une figure de la mutilation. Ce qui se contorsionne ici au soleil et qui n'a plus de jambes pour s'enfuir, c'est peut-être la raison elle-même. Adorno, songeur, à la tête posée sur son épaule, comme on figure parfois Athéna, dialoguant avec sa chouette. Une chouette qui, plutôt que la raison universelle, serait devenue l'ange de l'histoire cher à Walter Benjamin, l'ami qui n'a pas connu le réconfort ambigu de l'exil et qui manquera désormais pour toujours à l'Allemagne reconstruite comme à l'Europe réconciliée. Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Colomba Grossi, Mathieu Tarpin, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'est Élise Leu. Un grand merci à Vincent Schmitt qui a prêté sa voix pour cette semaine sur Lévinas. Merci aussi à Sophie Tarnot aux éditions du Seuil pour son aide pour la préparation de cette émission aujourd'hui avec Luc Dardenne. Demain, comme tous les vendredis sur les chemins de la philosophie, ce sera un cours particulier, mais d'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette série d'émissions en vous rendant sur le site de France Culture ou en téléchargeant l'application Radio France. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, on est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.